C'est génial. Moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup ce que vous faites. Johan, est-ce que tu veux mettre ta batterie sur la deuxième voix? Parce que t'as deux voix, je crois. Et en fait, comme ça, ce sera bien. Est-ce que tu peux ajouter juste une voix avec ta super guitare, mais ta batterie à côté comme ça? Moi, je peux te muter, quoi. Les autres gens, ils feront comme ils voudront. C'est toi, mais juste ta batterie enregistrée. Parce que toi t'es trop fort. Ouais non, je dis séparer la batterie sur une deuxième piste. En fait, maintenant, j'en sais plus sur ton setup chez toi. Donc, t'as deux endroits où tu te connectes. Il y a un endroit où il y a la carte son et tu peux faire le truc. Mais sinon, bouge pas. Regarde, reste à... Thank you. commencer, 1, 2, 5, 1. Pour commencer, fais jamais de mal pour se trouver deux. Troubles to find out the juice on it. So many photo come down to pray for some love and little disappear. Oh, for joy, I'll never tell. Catch on my tail. Just a Sono joven finito